Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. Yes. Qui One est de retour avec une nouvelle chronique sur l'actualité musicale canadienne. Il reçoit Xavier avec sa chronique Tétoy et Cuisine. Assemblage requis, ça commence maintenant! Est-ce que tu vas survivre, François? Ça va aller? Je vais essayer. Ça va aller? Ça va déjà mieux. Là. Et tu penses qu'on a de vieilles feuilles, des palmarès dans le studio pour évacuer les besoins? Hein? On ne ferait pas ça dans une zone campus quand même. Jamais. Jamais de la vie. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage Requis, probablement bienvenue à vous. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce lundi 19 septembre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Bon, François Olivier. Oui, belle fin de semaine, François. Très belle fin de semaine. Ça passe très, très vite. Hein? On sait... Samedi et dimanche, là, le temps est multiplié trois okay. fois plus vite que ça passe. Trois fois plus vite que ça passe, c'est bien résumé. Bien résumé. Est-ce que tu as fait quelque chose d'intéressant à raconter? Non. J'ai essayé ma salle de bain. C'est plate. T'as essayé ta salle de bain? Parce qu'en fait, on a rénové comme la salle de bain. Puis là, en fait, là, j'ai pu prendre ma douche. Wow! J'ai pu aller aux toilettes. Wow. J'ai pu me laver les dents, tout ça en bas. Donc, c'est très cool. Incroyable! C'est super. Aujourd'hui, à l'émission, comme je le disais, on reçoit Kiwan avec sa nouvelle chronique sur l'actualité musicale canadienne. Le gars, il est de retour enfin. Vous savez qu'il avait animé avec moi la première année d'émission, Assemblage Requis. Ensuite, il est devenu chroniqueur en Alberta. Il est déménagé là-bas. Il est encore là-bas. On l'a pas revu ou réentendu depuis des mois, depuis le début de l'été. Et là, il est de retour pour une chronique hebdomadaire. C'est tout à l'heure dans l'émission. On va aussi avoir Sébastien Dulude, qui lui aussi est de retour. Il était chroniqueur à l'émission à l'automne 2009. Et il faisait une chronique sur les sorties culturelles alternatives. Et là, il est de retour avec une nouvelle chronique qui s'appelle « Va voir ailleurs », entre parenthèses, j'y suis, qui se trouve à être un éditorial culturel. Donc, il fait dans l'opinion tranchante, toi. Merveilleux, merveilleux. D'ailleurs, c'est un peu en lien avec le journal Zone Campus. Hein? Oui, tout à fait. On va peut-être en parler plus longuement tantôt. On va en parler parce qu'on va faire le tour du journal Zone Campus qui vient de sortir aujourd'hui. Donc, oui, Sébastien et le Zone Campus, ça va ensemble. Main dans la main. Oui, main dans la main. C'est ça. Et puis, on reçoit aussi Xavier Or. Oui. Avec sa chronique Tétoy et Cuisine. Donc, il va parler de thé et de cuisine ce matin. Tout à fait. Il va agencer des mets et des choses à boire, du thé qui va avec des repas. Ça va être intéressant. Mais, excellente émission, remplie de contenu comme toujours. Commençons en musique par contre. Voici Chad Van Galen et Replace Me au 89.1 FM. Vous êtes à Assemblage Requis. Someone to read. Band of Skulls, oui, avec la pièce Fires. Tout à fait. Et on va prendre une autre petite pause musicale et on va revenir avec Kiwan dans quelques secondes pour sa chronique. Ça te tente-tu, François? Ben oui, certainement. Ça va être son excellente chronique, Kiwan André Val, qui s'en vient dans quelques secondes. Pour l'instant, on écoute Black Lips et la pièce Modern Art au 89 FM. C'est fou. Oh, oui, oui, oui. Oh, que oui. C'est de l'art. J'ai perdu mon grain. T'as peur? Carolina. Keyhole at the dolly. Black Lips avec Modern Art sur leur album Arabia Mountain à Assemblage Requis au 89.1 FM, c'est fou, avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Hein? T'as retrouvé ton crayon, je vois ça? Ben oui, il était pas si loin. J'étais sûr qu'il était disparu à tout jamais, mais non. C'est le genre de crayon que ça me dérangerait pas vraiment de perdre. Hein? Ah, il va bien. Ouais. Ah oui. Ouais, si tu le dis. Malgré son allure, simple. C'est un peu comme toi, c'est ça? Oh! Oh! Et oh! Déplacé! T'as pas faim, ça? T'as pas faim? Non. Ouais. Non. Que de compliments envers toi, François-Olivier Marchand. Je vois bien ça. Ouais. Et que de compliments envers Kiwan. Voici Kiwan en cavale. Salut Kiwan. Bonjour Kiwan. Bon matin, ça va bien? Oui. Ça va très bien, toi aussi? Ben oui. Bon. On est très heureux de te réentendre. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Kiwan. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été les trois ensemble comme ça. Ça fait presque, je dirais pas un an, là, mais pas loin, je pense. Ouais, pas loin de ça. Ouais, en effet. T'es de retour avec une chronique à chaque semaine à l'émission, mais on veut savoir, les gens à la maison veulent savoir ce qui se passe avec toi dans ta vie, là. Ah oui, les gens veulent vraiment savoir ça. Ben, en tout cas, c'est ce que moi je représente la population et moi, je veux savoir. OK, ben... Non, mais en fait, les choses n'ont pas vraiment changé depuis presque un an. Là. Ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis installé ici. Ben, pas que je suis installé ici, mais en tout cas, je suis toujours à Medicine Hat, en plein dans les prairies canadiennes. Mm-hmm. L'endroit le plus triste au Canada, probablement. Bon. Le plus triste? Ouais, c'est plus... Tu sais, plus on habite... Ben, en fait, là, au départ, quand je suis emménagé ici l'année passée, je trouvais ça un peu folklorique, en fait. C'est quand même divertissant d'habiter ici parce qu'il y a quand même un certain choc culturel là, d'habiter ici. Les gens sont tellement différents. La communauté, la société est complètement différente. Fait qu'au début, c'est un peu drôle, c'est un peu le fun. Tu découvres que vraiment, oui, il y a des gens au Canada qui sont hyper différents de nous, mais ça, au bout d'un an, à un moment donné, tu finis par être pris un peu dans le beat là, du conservatisme sud-albertain. Puis c'est pas si joyeux, mais ouais, bon, ça s'achève, je pense, ma période sud-albertaine. Ah ouais, tu vas partir vers où? Est-ce que t'as des plans déjà? Ben, c'est sûr que je veux partir d'ici, là, plus parce que je suis plus capable de supporter. N'importe où sauf ici, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ben, tu devrais-tu rester dans ce coin-là ou? Ben peut-être, je vais voir. En fait, il faut que je finisse comme l'année scolaire. Là. Ma copine est enseignante ici, donc elle a un contrat pour l'année scolaire. Donc à la fin de l'année scolaire, c'est sûr, sûr qu'on s'en va d'ici. Puis ce sera à évaluer là, l'endroit où on veut aller. En fait, j'aimerais beaucoup aller du côté de Vancouver parce que j'ai découvert récemment la scène culturelle et musicale de Vancouver qui est absolument hallucinante, qui ressemble un peu plus à celle de l'Est. Puis j'ai un paquet de groupes là, que je pourrais vous présenter dans les prochaines semaines qui viennent de Vancouver, mais c'est compliqué de changer de province. Je l'ai fait l'année passée, puis c'est tellement de bureaucratie. La paperasse. À faire, ouais, c'est ça. Donc, mais c'est ça. C'est un projet là, pour la prochaine année, disons. Hey, mais tu parlais de copine? Félicitations, par ça. Ouais, t'as une copine maintenant? Ah, ben oui, en fait, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, les amis. Ouais, ouais, vas-y. Ça. Un peu trop. Eh bien, oui, c'est ça. Bon. En tout cas, bravo. Ah oui, félicitations. Ben oui. Ben merci. Es-tu, en fait, là, j'imagine que c'est une Albertaine ou. Non, c'est une Québécoise. Ah, ok. Ouais. Quelqu'un même que je connaissais, là, que je connaissais avant d'habiter ici, là. Ah, d'accord. Ouais. C'est cute. D'accord. Bon, ben, embarquons dans le vif du sujet maintenant qu'on est au courant de ta situation et je te demanderai la question une fois de temps en temps pour remettre les gens à jour. Bon. Mais tu nous présentes une nouvelle chronique sur l'actualité musicale canadienne. Ben oui, en fait, je vais essayer là, de vous parler autant que possible de ce qui se passe ailleurs que chez vous, même si, tu sais, aujourd'hui, c'est pas si pertinent de parler de ce qui se passe ailleurs en Canada, puisqu'on est au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde, presque au moment où ça se passe, de toute façon. Mais je vais essayer de vous présenter un point de vue local d'ici de ce qui se passe. Mais en fait, pour aujourd'hui, là, la chronique va être un petit peu générale parce que, étant donné que c'est l'automne qui arrive, qu'il y a toujours un paquet de sorties d'albums, juste faire un petit survol comme ça des albums que j'attendais ou qui sont déjà sortis récemment ou qu'on attend pour l'automne. Donc, c'est ça, vraiment là, des groupes, des sorties d'albums attendues pour l'automne. J'en ai sorti quelques-uns, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, en fait. C'est merveilleux, Kiwa. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts! Donc, dans ce qui est sorti, en fait, un peu plus récemment, la semaine dernière, en fait, il y a deux semaines, un nouvel album de Little Girls. C'est un groupe qu'on a déjà fait jouer assez fou. C'est un groupe qui plaît pas non plus à tout le monde. C'est un style quand même assez particulier. C'est l'échantillonnage, là, c'est ça? C'est le gars qui prend des extraits de d'autres affaires, non? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est Girl Talk, je crois. Ouais, je mélange tout le temps. Non, Little Girls, c'est le projet solo de Josh McIntyre, qui est un gars de Toronto. Et le premier album, qui s'appelait Concepts, il y a quelques pièces qu'on a fait jouer dans l'émission. Mathieu, c'est un album, en fait, que notre ami Maxime Lemieux-Laramie nous a fait découvrir l'année passée. Oui, hey, savais-tu que Maxime est en sabbatique cette année? Ah, je ne savais pas. Ben oui, c'est plate, hein, il ne fait plus de chronique. Ah, mais ouais, on peut-être l'année prochaine. Fier sur lui. Ouais. On va plus fier sur Maxime pour faire des belles découvertes. Ce sera toi maintenant, la pression. Ben c'est ça, c'est comme mon maître, en fond. Ouais. Je vais continuer son enseignement. Jeune Palawan. Exactement. Donc voilà, Little Girls qui ont sorti un nouvel album qui est toujours dans le même style, qui sent un peu... qu'on pourrait comparer à The Cult, probablement, ou Joy Division, un peu. Et puis c'est seulement un EP qui ont sorti de 6 pièces. Et je vous ai envoyé un extrait peut-être que vous pourrez la faire jouer une autre fois parce que je trouvais que le matin, comme ça, c'est peut-être pas si approprié. Puis en plus que c'est un style, là, vraiment, je vous le dis, qui plaît pas à tout le monde. Et pour cet album-là, la différence avec ce nouvel album, c'est que l'album a été enregistré avec des musiciens, contrairement au premier album, Concept, qui était vraiment le projet solo de Josh McIntyre, qui avait fait tout seul dans son sous-sol, là, avec seulement avec son ordinateur puis des machines. Donc, le nouvel album sonne pareil comme le premier, mais la différence, là, c'est vraiment qu'il a été enregistré avec des musiciens, les musiciens avec qui il performe en spectacle. Mm-hmm. Deuxième album dont je vais vous parler dans un autre style complètement différent. Et là, en fait, il y a comme une espèce de congestion au niveau des sorties d'albums autour du 27 septembre prochain. Ça va être une grosse journée. C'est la semaine prochaine. Ouais, mardi prochain. Comme si les mardis n'étaient pas déjà assez occupés avec les sorties DVD musicales. Ah, tout en même temps. Ouais. Mardi prochain va être particulièrement occupé parce qu'il y a trois très bons albums canadiens qui sortent, dont entre autres celui de Elliot Broad. Je crois que vous avez déjà en votre possession. Oui, tout à fait. L'album Days into Years. Exactement. Donc, l'album Days into Years qui va sortir la semaine prochaine, le 27, chez Paperback Records. Et il y a déjà une pièce qui a commencé à jouer, c'est North and Hair. C'est le premier extrait officiel de l'album. Puis c'est sûr que pour ceux qui ont connu Elliot Broad avec Write It All Down For You, c'est une pièce un petit peu plus énergique, un peu plus pop, même un peu plus rock, je dirais. C'est sûr que peut-être que vous allez aimer un peu moins là, le son de l'album Days Into Years, qui est un peu plus folk. Mais Elliot Broad, en fait, c'est ça. C'est quand même assez folk, contrairement à la pièce Write It All Down For You, qui détonnait un peu là, sur l'album précédent. Donc, c'est sûr qu'il faut apprécier la musique un peu plus folk. Un autre album qui sort le 27 septembre prochain et que j'attendais personnellement vraiment impatiemment, c'est un nouvel album de Obijou qui s'appelle Middle Meat. Et Obijou, il y a une pièce qui a déjà été sur le palmarès de ses poux, c'est la pièce Black Eyes. Je crois qu'il y en a eu d'autres. En fait, c'est l'album Bacon qui était sorti en 2009 et c'est un album que j'ai vraiment adoré, qui était différent de leur premier album. C'est leur deuxième album, Bacon, puis qui était vraiment, il y avait un son beaucoup plus pop. Avec beaucoup plus d'instrumentation, des arrangements beaucoup plus riches. Et je pense que le prochain album, leur troisième Middle Meat, va être totalement dans cette optique-là, dans ce son-là. Et il y a un premier extrait qui a déjà commencé à jouer, que vous pouvez écouter d'ailleurs, qui est en écoute libre sur le site de Obijou, le obijou.com. La pièce s'appelle Niagara. Un autre album que j'attendais avec impatience, celui de Dan Mangan. Je crois qu'il ne joue pas énormément sur les ondes de C'est Fou. Non, pas vraiment. Malheureusement. Dan Mangan, oui, malheureusement, parce que c'est vraiment un artiste que j'adore, que je connaissais avant d'habiter ici, parce qu'il avait entre autres fait partie de la sélection des prix Polaris, dont je vous parlerai un petit peu tantôt. Mais il avait fait partie de la sélection des prix Polaris, je crois, en 2010 ou en 2009, avec son album Nice, Nice, Very Nice. Puis ici, dans l'Ouest canadien, il est vraiment très, très, très populaire. Et en fait, un peu à travers le monde aussi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans au Royaume-Uni et en Australie. Il a fait des tournées, il a passé comme les deux dernières années à tourner beaucoup, beaucoup avec cet album-là. Et je sais pas d'ailleurs comment il a fait, où il a trouvé le temps pour sortir un nouvel album, mais le nouvel album Hope for Tune sort la semaine prochaine. Il y a déjà deux extraits qui sont disponibles. Si vous commandez l'album, vous avez droit à deux pièces gratuites déjà. Mm-hmm. Si je peux répondre à ta question... Excuse-moi. Vas-y. Oui, vas-y. Disais, non, vas-y. Si je peux répondre à ta question de comment il fait pour... Tu disais quoi, pour avoir le temps? En tout cas, sûrement qu'il économise du temps en n'envoyant pas son CD à C'est Fou et à d'autres radios universitaires. Voilà, exactement. C'est un bon truc, hein, ouais. Mais je le conseille pas là, aux artistes. C'est des artistes émergents à l'écoute, là, c'est pas une bonne technique. Non. Engagez-vous un agent, quelque chose plutôt. Un petit stagiaire pas payé, là, ça va être bien. Ouais, c'est ça. Vous pouvez le payer aussi. Ouais, ça, vous pouvez le payer si vous voulez, mais bon. Ben, c'est sûr que Dan Mangan aurait les moyens là, de se payer quelqu'un parce qu'il est quand même assez populaire. Il commence à jouer dans des grandes salles. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le son de Dan Mangan, moi, je le compare vraiment à Vincent Vallière. Je trouve que c'est le Vincent Vallière du Canada anglais. Il y a des pièces qui sont quand même passe-partout, là, qui peuvent plaire à vraiment un très large public, autant un public plus commercial que plus fin. puis c'est ça, ces compositions, tu sais, les pièces sont hyper mélodiques, ont des petites mélodies hyper accrocheuses, mais quand même très simples. Il n'y a pas une instrumentation non plus, puis des arrangements là, hyper riches et profonds. Ça reste quand même assez basique, mais les mélodies sont tellement accrocheuses et les paroles, un peu à l'image de Vincent Vallière, ça raconte des choses simples, avec des mots quand même assez simples. C'est pas des images là, hyper dures à comprendre puis hyper lourdes. Ça raconte des choses simples avec des mots simples, mais il y a quand même vraiment une plume là, qui est très fine, qui est juste assez, qui est pas trop, c'est pas trop d'images, mais c'est pas trop simple non plus. C'est pas sujet verbe complément, ça compte, c'est pas des comptines pour enfants non plus. Là. Okay. Donc vraiment, Dan Mangan, je vous conseille cet album-là, Hope for Tune, la semaine prochaine. Là, c'est probablement mon préféré là, pour la semaine prochaine. Je vais me dépêcher parce que ça, le temps passe quand même. Un autre groupe que vous connaissez, Hooded Fang, qui a sorti leur dernier album. L'album s'appelait Album, ça fait quand même pas longtemps, ça fait environ, c'est à peu près un an environ que leur premier album est sorti. Il y avait eu vraiment des bonnes réactions. Et un autre groupe qui a réussi à trouver le temps malgré le fait qu'ils ont été occupés dans la dernière année pour nous produire un nouvel album. L'album s'appelle Tosta Mista. Et le son a quand même changé un peu, je trouve. Ils sont restés quand même dans quelque chose qu'ils connaissaient, mais l'album sonne beaucoup plus un peu rockabilly ou rock and roll des années 60, je dirais musique surf un peu à la Beach Boys. Donc c'est un petit changement pour eux, mais quand même on pouvait déjà entendre quelques influences de ce son-là dans l'album. Et cet album-là, en fait, je crois, de Odin Fang, là, c'est un peu nébuleux parce qu'il y a eu plusieurs lancements. Je pense que l'album est déjà disponible en magasin là, depuis le mois de juillet même, je pense. Mais ils vont revenir le 21 septembre, donc c'est dans deux jours, en fait, c'est mercredi, vont être à Pop Montréal. Et tout dépendamment des sources, là, on dit qu'on parle d'un lancement d'album, mais l'album a déjà été lancé. En tout cas, bref, c'est comme un genre de rodage d'album, je sais pas. Mais ils vont être quand même à Montréal le 21 septembre. Et tandis que je suis dans les dates, là, j'avais oublié de vous en parler, mais Dan Mangan, pour ceux qui le découvriraient là, récemment, ne pourrait pas s'empêcher d'aller le voir en spectacle, mais profitez-en. Il va être à Montréal le 16 octobre prochain et à Québec le 17. Et en fait, il risque d'avoir, là, après la sortie de O4Two, vous allez entendre parler beaucoup de Dan Mangan, je crois, parce qu'il a signé dans la dernière année là, une entente avec Bon Sound. Donc, ceux qui vont faire la promotion de Dan Mangan. C'est drôle, on parlait justement de ça tantôt. On disait qu'il devrait s'engager quelqu'un, mais il est avec Bon Sound maintenant. Donc, je pense que vous devriez en entendre parler. Ouais. Ils vont sûrement nous envoyer ça bientôt. Sinon, on en demandera. Hein? Mais oui. J'espère qu'on se plaint. J'espère qu'on s'en est plaint. J'espère. Là. Mais oui. Tu vas avoir écouté votre appel. dernier album dont je veux vous parler, sorti qui est un petit peu plus loin. Celle-là, c'est le 11 octobre prochain, mais je sais que c'est un artiste que vous aimez beaucoup. C'est un groupe que vous aimez bien, assez fou, c'est Dutchess 16. Ah, ben oui. Ils vont sortir leur nouvel album qui s'appelle In a Fun Day Tea. Et si vous allez sur le site officiel de Dutchess 16, vous pouvez télécharger gratuitement le premier extrait qui s'appelle Time to Reiterate, que j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter correctement encore. Donc, je l'ai envoyé, en fait. Vous pourrez l'écouter, ouais. le découvrir avec les auditeurs. On va faire jouer ça plus tard à l'émission. Plus tard. Sûrement peut-être dans les prochains jours. Ouais. Et en terminant... les gars, j'ai parlé brièvement tantôt des prix Polaris. Vous savez que les prix Polaris 2011, c'est ce soir. Mm-hmm. Pour ceux qui nous écoutent en direct, le 19 septembre, donc les prix vont être remis ce soir. Et il y a deux artistes, deux groupes québécois et qui sont là. On se rappelle que l'année passée, c'est Carquois qui avait gagné le prix. Et ça avait chialé un petit peu dans le Canada anglais. Ah, les pauvres Canadiens anglais qui sont fait enlever leur prix. Hein? Ben oui. C'est ça, puis ils comprennent pas les paroles, fait que là, ils sont un peu confus. mais je vous invite à aller voir si vous avez pas déjà vu. Je sais que c'est pas très c'est pas nouveau, là. Ça avait sorti cet été. Peut-être que des auteurs ont déjà vu, mais si vous allez, il y avait les liens sur la page Facebook de CBC Radio 3 et de Polaris aussi. Il y a des prédictions qui ont été faites. Donc, je t'ai envoyé les liens, Mathieu, pour les vidéos, si tu veux les mettre sur le site d'Assemblage Requis. C'est déjà donc, fait. C'est parfait. Donc, c'est des prédictions un peu spéciales. Donc, il y a un genre de Madame Minou là, de Vancouver, là, okay. Un genre de diffuse de Bonaventure là, qui prédit l'avenir, qui fait une prédiction. Et il y a aussi un petit chat qui fait une prédiction. Je fais plus confiance au chat, hein. Ouais, ben en tout cas, vous irez voir les vidéos puis vous allez voir que si les prédictions s'avèrent bonnes, ça va continuer à charler cette année du côté du Canada anglais. Il y a encore des francophones? Ah, OK. Ah, suspense. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du lundi 19 septembre. Parfait. Le gala est ce soir, ne manquez pas ça. C'est diffusé sur CBC Radio 3, sur Sirius et plein d'autres sites Internet, le Match en gros, entre autres, je crois. C'est possible de trouver ça facilement pour vous. Ton accent anglais est charmant. Ah, le dire. Voilà, donc on va entendre les trois extraits, trois des extraits dont tu nous as parlé aujourd'hui. On va entendre Dan Mangan, on va entendre plus tard Au Bijou, et on va terminer ça avec du Hooded Fang. Parfait. Et je vous souhaite une bonne semaine. Garçons, la semaine prochaine, je vous parle de Carquois qui sont présentement en tournée dans le Canada anglais, justement. Et moi, je vais les voir samedi prochain à Calgary, donc je vous en reparle la semaine prochaine. Parfait, on se retrouve lundi prochain à 7h15 environ. Oui. Merci beaucoup, Kiwan. Merci, Kiwan. Merci à vous. Bye-bye. Bye. Bonne journée. Bonne journée. On écoute Dan Mangan et la pièce Oh Fortune tout de suite au 89 FM, cet assemblage requis. Fortune to spare. Time's passing and we're worse for wear. Aching for breathable air. Oh my God, it's killing me. Oh, chances, oh forces of luck. Fields arid, windows boarded, enough. Please be merry when I am buried in the ground. Nice to have the kids around. Construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Yeah. La pièce Toasted Mr. The Hooded Fang, assemblage requis. Pour ceux qui trouvaient ça bizarre au départ, là, c'est probablement... C'est pas normal, c'est pas voulu. Ben, on trouvait tous les deux ça bizarre, mais c'était qu'il y avait la pièce de Obijou qui jouait par-dessus. Donc, juste avant, c'était Obijou qu'on a entendu avec l'extrait Niagara. Voilà. C'est ça, les sites internet quand on joue ensemble. Hein? Comme là, ce qui jouait par-dessus la chanson thème, c'était du Hooded Fang qui continuait. Donc, voilà pour la chronique Kiwan en cavale. Il va être de retour la semaine prochaine, les lundis à 7h15 environ. Merci, Kiwan. Merci, Kiwan. Oui. François, pendant qu'on est là, toi et moi, avec des journaux entre les mains, qu'est-ce que t'en penses si on se fait un petit tour du journal Zone Campus? Rapide, on va faire rapidement. Très rapidement. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Probablement sûrement l'émission la plus chargée qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ouais. Cette année. Donc, Zone Campus, édition du 19 septembre au 2 octobre 2011. En couverture, on retrouve le comité du stationnement qui s'explique par rapport à toute la controverse, là, tous les gens qui viennent... Les fameux parkings. Oui, ça pleure dans les bureaux de l'AGE, sérieusement, tellement que les gens ont des problèmes avec ça, c'est vrai. Ah, c'est fou, là. Tout le monde en a. Ça touche tout le monde. Ouais, il y a des modifications structurelles importantes qui s'en viennent pour les bars étudiants, la Chasse-Galerie le 10-12, on parle de ça. Ensuite, toujours en actualité, on retrouve l'AGEQTR qui revisite le concept de la coupe des associations. Est-ce que vous allez être l'association la plus dynamique? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En fait, pour que les associations s'impliquent au niveau en fait, de l'atmosphère étudiante ici sur le campus. Comme ils disent en com social, c'est pour tisser le lien social. Oui. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Il y a Guillaume Rivet aussi qui nous parle que le journal peut se retrouver sur Facebook maintenant avec le nouveau blog du zonecampus.ca. On peut partager des extraits, en fait les articles au complet, mais certains des articles les plus importants du journal se retrouvent sur zonecampus.ca, nouvelle version. Formidable. Il y a Simon Fitzbé, toujours avec sa chronique en pleine face, qui nous parle des frais institutionnels obligatoires. On vient sur la rentrée scolaire et les intégrations. On dit que le bilan est très positif. On parle des Jeux du Québec à Shawinigan été 2012. Ça s'en vient. Ça s'en vient. La deuxième saison de Tribune Libre s'en vient à partir du 21 septembre. C'est de retour dans deux jours, mercredi. On ne sait pas encore qui va être le premier invité, mais il y en a quelques-uns qu'on sait par contre. Le 2 novembre, ce sera Fadi Hamoud qui va parler avec d'autres gens de tensions dans le monde arabe, entre autres, donc des sujets très intéressants pour Tribune Libre à la Chasse Galette. Et on parle assurance aussi pour les étudiants dans les dans leur appartement. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui ne sont pas assurés, donc... C'est important. Oui, effectivement. Ouais. C'est pas là pour rien. Dans la section société, Jean-François Veilleux nous parle de 10 choses à savoir sur la rentrée parlementaire. Lui, il fait des top 10 à chaque chronique, finalement. Et Marie-André Gauthier qui nous parle d'homosexualité. Oui. En art et spectacle, maintenant, programmation qui promet pour la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières en 2011-2012. On revient sur le spectacle de Partie intime, leur spectacle clandestin. Sur le futur site de l'amphithéâtre de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Et le club de photos mauricien qui présente son exposition Optonal. Mm-hmm. Sébastien Dulude, on va l'entendre tantôt. Il a une chronique dans le journal Zone Campus une semaine sur deux. Évidemment, le journal sort au bout de deux semaines, donc ça aurait du sens hein, qu'il soit dans tous les numéros. Animation artistique estivale à Trois-Rivières, le bon, le brut et les truands. C'est le titre de son article. Il nous parle de plein de choses. On va l'entendre un peu plus tard. Oui, tout à fait. Soyez à l'écoute. On parle de la programmation Ciné Campus 2011-2012. Et de Troupe de Lance Millennium. Il parle des auditions qui s'en viennent. Mm-hmm. Les concerts champêtres comico-classiques du théâtre en plein air. Les délices d'automne. On parle des découvertes culinaires. Tu étais? Non, je parle. Je voulais vraiment cette année. Je voulais vraiment. Il me semble que ça te ressemble, ça. Ouais, je sais. On parle du camp de recrutement et de formation pour la Ligue d'improvisation mauricienne, la LIM. Et dans les sports, en fait, on est rendu dans les sports. On parle de hockey, l'ouverture du camp d'entraînement. Le premier happening des Patriotes qui va se dérouler le 30 septembre ici même à l'UQTR. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qu'on parle d'autre, Mathieu? La course chiropratique. Qui a été un franc succès. Je te dirais qu'on voit le gars courir, là. Donc j'imagine que ça allait bien. Et c'est pas Mathieu Plante. Non, c'est certainement pas ça. Moi, il y a une lunette de soleil, hein, tu sais, que ça, c'est pas pour moi du tout. L'équipe féminine de soccer des Patriotes récolte une victoire. On dit un excellent départ. Excellent, excellent. Et on parle du golf des Patriotes, hein? Ouais, ben le gars a l'air d'avoir un bâton de golf, puis il est assis Il étudie le terrain, il étudie le verre. Ah, c'est ça qu'il fait? Ouais, oui, c'est ce qu'il fait. J'étais pas sûr, il avait l'air d'être en Asie sur les... En Asie? C'est le même qui font leurs besoins. Non, assis non, à couper, non, il n'y aura pas de culotte. Ah, c'est okay. Hein? Oui, donc voilà pour le journal Zone Campus en kiosque du 19 septembre au 2 octobre. Et on vous rappelle que maintenant, il y a du texte à une. Super, hein? On peut lire l'article. Puis hey, après ça, il est super beau. Tu lis le début, après ça, tu vas dans l'article. Puis là, tu te rends compte, ben, crème, il y a encore le même début, fait que tu le relis. C'est pas le même. À place de faire des suites, là, on remet le texte. Bon. Voilà pour Zone Campus. Allez voir lezonecampus.ca pour partager certains de ses articles les plus mémorables sur Facebook et sur Twitter. Twitter, c'est comme ça que tu appelles ça? En français, moi, je suis pour la loi 101. C'est Twitter. Ah oui. On va prendre une petite pause musicale francophone tout de suite en cette fin d'heure. Et puis après ça, on va revenir. On va avoir notre amie Stéphanie qui va venir nous parler de... Du foam party! Foam party! Hein? Oui. C'est un party de mousse. Mm. C'est, en français, loi 101, ce serait une fête à la mousse. Hein? Pensez-y l'année prochaine. Fête à la mousse. Ça va être super. On écoute Renard Frac avec le Sous l'effet de la vague. Tiens, Sous l'effet de la vague, j'ai envie d'entendre celle-là. C'est pas celle qui est sur le palmarès, mais c'est tout comme... Vous êtes à l'assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. On est deux dans le bateau, y'a la poche bord de l'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est deux dans le bateau, y'a la poche bord de l'eau, puis on a de la misère à se tiendre. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. On est sourd, on est sourd, on est sous l'effet de la vague. Qui est sous l'effet de la vague au 89 FM, c'est fou. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tantôt avec une autre heure chargée. Oui, on reçoit là finalement Sébastien Dulude. Oui, avec sa chronique, va voir ailleurs, entre parenthèses, j'y suis. Xavier Or. Tais-toi et cuisine. C'est le nom de la chronique, encore une oui. fois. Oui, et Stéphanie fois. Qui va nous parler fête à la mousse. Ouais, c'est ça, exactement. La fête à la mousse. Ouais. C'est jeudi, ça? C'est jeudi, 3 dodo. Oui. Hein? 3 dodo. C'est combien de passe-partout comme 32, ça? 46? Non? Un matin, un soir? Hey, sont longs tes passe-partout, toi? Ah non? 30 minutes? Peut-être des... Hein? Tu parles des émissions? Oui. Oui? Mais compte-les en termes de combien qu'il y en a jusqu'à temps que le mousse party commence. Ah, oh, OK, non. Il y en a beaucoup. Je pensais une le matin, une le soir. Ça. 2, 4, 6. Ah, OK. Toi, tu suis l'horaire d'une station de télé. Non, on est en 2011. Tu peux regarder quand tu veux les épisodes de passe-partout. Non, c'est pas vrai. Je peux pas regarder une, là. Ben non, c'est vrai. Bon point. Vous êtes assez fous. Vous l'écoutez. 2e heure d'Assemblage requis en direct du studio de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 19 septembre 2011. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. D'habitude, je dis les studios. Là, je trouvais qu'un studio, c'était assez convivial et assez d'espace pour trois personnes. Quand même. Oh, ouais. Donc, on reçoit à l'instant même Stéphanie Boileur. Oui, exactement. Pour bonjour, parler madame. Du Foam Party. Bonjour. Oui, bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui, merci. Vous avez l'air en pleine forme. Ah, top shape ce matin, tout bon. Est parfait ou bien excellence. Si on y va avec la loi 101, là, je m'en vais. Je me sens excellente ce matin. Excellente. Je me sens excellente. Elle, ouais. elle a des qualificatifs. Ouais. Ça va bien. Ouais. On aime ça. Donc, Fun Party, ça a lieu quand, ça? Ça a lieu jeudi cette semaine, le 22 septembre. Mais c'est quoi le Fun Party? Le Fun Party, ben écoute, c'est un gros party mousse. C'est le plus gros party mousse de la Mauricie en entier. Donc, c'est 4 pieds de mousse, 3 pieds, en fait. Et puis, c'est ça. C'est tous les gens, tous les étudiants, toutes les personnes cool qui s'en vont là-bas directement. Donc, on vous insiste, si vous êtes cool et même si vous n'êtes pas cool, vous voulez devenir, ben, à venir au Fun Party, ça, jeudi. Ah, tu peux devenir cool en ayant, c'est comme une mousse magique, si on veut. Que exactement, ben oui. Mais c'est quoi ça, ce mousse-là? En fait, j'imagine que c'est une machine qui produit de la mousse. En fait, c'est un peu le même principe. Tu sais, les petites bulles qu'on souffle quand on est jeune, c'est un eau savonneuse qui est écologique et... oui, c'est écologique, c'est ça. Et puis, c'est une espèce de... bas, si on veut, un énorme bas qui pousse, et ça fait tout plein de petites mousses, de petites bulles, puis on a bien du fun là-dedans. Fait. Puis le fun, j'imagine, c'est tu vas chercher une bière, tu t'en vas danser là-dedans, personne te voit danser, fait que ceux qui dansent pas bien comme moi, le problème est réglé. Exactement, c'est ça. Puis ce qui est fun, c'est que notre bière, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas de bière, pas de mousse dans votre bière plutôt. C'est ça, on a des, c'est un peu des comme des couvercles de slot, si on veut. Donc, okay. Avec une paille. Donc, hey. On a beaucoup de plaisir en faisant avec une paille. Et c'est propre parce que les gens peuvent pas se présenter. Il y a un code vestimentaire, ouais, si on veut, j'imagine, pour s'habiller. Là. C'était ma prochaine question. Ouais. Je peux pas arriver là tout nu. Là. non, effectivement, on a des règlements très stricts à ce niveau-là, mais il n'y a pas de problème à ce que vous arriviez en maillot de bain. Okay. Puis comme le thème cette année, c'est l'avalanche, je vais le plugger tant qu'à y être. On vous invite à arriver avec vos lunettes de snow, vos tucs, puis ne m'arrivez pas en soute, là, ça va être un peu... Ouais, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse et lourd, désagréable. Donc, c'est jeudi? Oui. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 10h officiellement quand on ouvre les portes. Nos billets sont en pré-vente à 12$ toute la semaine encore jusqu'à jeudi midi. OK, c'est où? C'est en fait à la porte anciennement ou la porte de la cafétéria à l'UQTR, OMS, les heures du midi et à la porte en face de la bibliothèque, encore une fois, pour se diriger vers la cafétéria. Puis ça fait déjà... ça fait une couple d'éditions que... Oui, ça se produit cette année, c'est la 4e édition. La 4e édition. Exactement. Et puis on s'attend à quelque chose de vraiment plus gros, puisqu'on a gagné un 5 000$ avec le concours Crispitos. Ah, vous avez gagné? Ben oui, on l'a gagné. C'est puis quoi, on remercie ça? D'ailleurs tous les gens qui ont voté pour nous. C'est quoi Crispitos? Une plaquette de poulet, genre, que tu mets dans le toaster. C'est ça. Si je veux être francophone, il faisait un tirage, présente ton activité, puis. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. On présentait une autre activité. C'est une activité. Il y a plein de gens, il y en a qui proposaient des tours de parachute pour leur père, pour leur fête. Là. Puis nous, c'est nous qui avons eu le plus de votes. On était deux fois plus élevés que tous les autres votes ensemble. Donc, wow, c'est cool. Oui, on aime bien ça. Ça veut dire que c'est vraiment un party cool. Si on a même gagné 5 000$ pour ça. Hein. Fait que là, j'imagine en fait là, que cet argent-là va servir à quoi? À peut-être mettre plus de mousse dans la machine? Non, la mousse, on peut pas y aller plus. Il y en a déjà vraiment beaucoup. Mais en fait, ce 5 000$-là nous a servi à assurer en fait une prochaine édition et à augmenter le niveau encore une fois. Donc, on est allé chercher vraiment des DJ renommés et des artistes incroyables. Un excellent graphiste aussi. Nos affiches sont vraiment belles. Hein? Merci beaucoup à Sébastien Legault. Puis, Je vais le dire. Mais oui. Donc, merveilleux. Et puis, le DJ cette semaine, c'est qui? C'est quoi? Il va y avoir le DJ Poupa Sacha. Sacha? Oui, c'est ça. C'est un DJ Poupa qui... Poupa Sacha. Exactement. C'est très plaisant de dire son nom. en fait, c'est ça. Lui, il arrive de Barcelone, jouer en Barcelone, à New York. Donc, c'est quand même... Tabarouette, il va pogner de quoi au 10? C'est un pas pire. Ben non. Il va pogner de quoi avec le party mousse? Ben oui, quelque chose de positif. Et puis, on a Miss Shelton aussi qui a gagné des prix de DJ féminin. Un peu partout au Canada. Cool. L'animation MC Stevie J. C'est ça, exactement. Donc, MC Stevie J, qui est un excellent animateur et qui va savoir faire vibrer la foule sous toute cette mousse. On répète, c'est 12$ en pré-vente. Oui. C'est ça. Puis c'est 15$ à la porte. On vous conseille évidemment de l'acheter en pré-vente. C'est sûr, vous sauvez une file d'attente. Et 3$. Ouais, c'est ça. Et 3$. On peut s'attendre à combien de personnes? 700. On vise à 700. On vise à remplir le 10-12 cette année. L'année dernière, on était tout prêts. Donc, cette année, avec toutes les innovations qu'on a faites, donc on s'attend aux 700 personnes. Wow! Formidable. Vous pouvez aller trouver plus d'informations sur 3R Foam Party 2011 sur Facebook. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de 2011. C'est www.3rfoamparty.com. Okay. Mais sur Facebook... Ah oui, sur Facebook, oui. Moi, j'en vois un, mais c'est comme excuse-moi, oui. Oui, c'est ça, sur Facebook, oui. Sinon, on a notre site internet 3rfoamparty.com. Parfait, c'est jeudi 21h, 23 septembre. 22h. Ah, t'écoutes pas. Non, mais c'est t'écoutes pas. Moi, je suis sur la page Facebook. C'est marqué 21h sur la page Facebook. T'iras le changer. Ben ouais, je vais aller changer ça maintenant. Merci Stéphanie. Si on veut trouver ça, ça va être jeudi dans la mousse sur la piste de danse. Dans la mousse ou en train de courir. Au choix. Bonne chance merci avec beaucoup. Tout ça, merci. Ben oui, merci. Ben merci. Merci, merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Nous aussi, on a une page Facebook. Nous aussi, pas très à jour des fois. Ça arrive. À Assemblage Requis, cherchez la belle petite maison de briques. La belle petite maison de briques. Ben, c'est ça, pareil. Belle petite maison de briques, non? Pour nous autres, Assemblage Requis, quand tu tapes, c'est petite maison de briques. T'es jamais allé sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ben, c'est un coffre. Ben, c'est un coffre, oui, mais il y a un mur de briques. Non, mais c'est peut-être pas une maison. C'est plus un gratte-ciel. Est-ce qu'on va se concorder sur les détails, là? Ben, tantôt. C'est un édifice avec un. C'est un édifice, mais c'est pas une maison. Mais non, mais non. Ça peut être une maison c'est de. C'est bien drôle, toi, laisse-t'en faire. On va aller tout de suite en musique avec un autre extrait du palmarès francophone, celui de Gatineau. Et puis après ça, on va revenir avec la chronique de Sébastien Dulude. Va voir ailleurs en parentage, j'y suis, qui nous revient sur les événements culturels qui ont eu lieu cet été. Donc, pour l'instant, toute dépense payée de Gatineau, 89 FM, c'est fou. Sébastien Carata, t'habites chez mes parents. J't'honome, autonome, mais c'est ta para. Carata, oui, j't'encore chez mes parents. En dehors de la maison familiale, c'est pas un max. Son chalet, pour pentance, résidence, secondaire, j'en passe. J'échange tous les soirs, puis tous les fins de semaine. C'est comme un forfait seul, mais pour une BM. J'dépense l'argent, mais c'est les autres qui en parlent. Ça tout l'heure de mes distances, si tu regardes. J'm'alimente à la mamelle de mon bidage. J'crime un fonctionnaire pour un contribuable. Depuis que j'suis petit, j'suis un jupon. Depuis que j'suis petit, j'suis un cocon. Depuis que j'suis petit, la ouate, le coton. J'suis pas me mêle avec juste de couper cordon. Voici la culotte courte au pantalon. La cour d'école au grand salon. Mais toujours aussi dépendant de mon papa. C'est pas juste une impression. Faudrait que je vole de mes propres ailes. Non mais c'est quoi ça? C'est bitard, toutes ces ailes. C'est rendu qu'ils veulent plus un boss et char. Ils parlent de plus en plus de mettre de walk. Oh, plus tard qu'il y a, ils ont collé là. C'est non mais c'est quoi le problème? Ils veulent maman, c'est rendu t'as mis de me traiter. Ou qu'ils soient, c'est rendu qu'ils parlent en fonçant le besoin. Quand je le fais une faveur, moi dans le fond de rester. Non mais c'est quoi le problème? Ils veulent me tester. Depuis que je suis petit, sous un jupon. Depuis que je suis petit, dans un cocon. Depuis que je suis petit, la ouate, le coton. C'est pas mal avec un geste de couper cordon. Pour cette culotte courte au pantalon. La cour d'école au grand salon. Mais toujours aussi dépendant de son papa. Les sorties, mis mon sou de guide, caporal, l'ortigé, militairement, tout un arsenal. Je protège proprement le patrimoine familial de personne pour me déloger du site. Même l'hélicoptère qui check de par la vite, y'a personne pour réussir à me sortir. S'ils viennent, je me fais sauter au bendon, je sais. C'est pas un penthouse, c'est une forteresse. Devant la place, un barrage se dresse. Des tranchées, des mines, des câbles, bientôt des doux. Risque d'attraper l'iBike, mais qui me trouve? Il faut que je reste sous un jupon. Il faut que je reste dans un cocon. Il faut que je reste dans what? Le coton. C'est pas de mêle avec un juste de couper cordon. Ça risque de prendre un bout, une coupe d'échelon. Avant que je décolle, ça risque d'être long. Je suis toujours aussi dépendant de mon pauvre ami de ma mère. Gatineau et toutes dépenses payées au 89.1 FM, cet assemblage requis. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. François-Olivier. Mathieu Blount. C'est le moment de réaccueillir en grand retour. Oui, chaleureusement, chaleureusement. Voici Sébastien Dulude, de retour après un an et demi, deux ans d'absence. Ouais, on est content. C'est « Va voir ailleurs », entre parenthèses, j'y suis. Bonjour à tous, mon nom est Sébastien Dulude et je vous présente encore cette année la chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Alors, comme première chronique, je m'attarde à... Parce qu'on avait comme activité artistique extérieure cette année à Trois-Rivières, plutôt cet été. J'ai intitulé ça « Animation artistique estivale à Trois-Rivières, le bon, le brut et les truands ». Parce que ceux qui suivent l'actualité municipale trifluvienne sont familiers avec deux noms, Steve Dubé et Alain Lamarre. Le premier, Dubé, a l'allure d'un coach de la Ligue nord-américaine de hockey, mais dans les faits, il a escaladé les échelons des milieux culturels en gérant de façon visionnaire la carrière de Jean-François Bastien, qui est parti de Star Academy pour aller s'échouer au Ludoplex. Tandis que le second, Alain Lamarre, a la dégaine d'un José Lito Michaud croisé avec celle de Joey Stardust des Pop et Rock, pour ceux qui ont une bonne mémoire. C'est en somme nos Starkey et Hutch locaux. Mais pour la ville de Trois-Rivières et son maire absolu, M. Lévesque, Dubé et Lamarre sont respectivement directeur général et directeur général adjoint communication de la Corporation de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières. Cette dernière corpo, née de la, pour la mise en œuvre des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières en 2009, possède aujourd'hui deux mandats principaux. Premièrement, la réalisation du méga projet d'amphithéâtre sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Et deuxièmement, la coordination des animations extérieures au centre-ville lors de la saison estivale. Bon, si Dubé et Lamarre passaient pas leur temps à être suspendus avec solde, bon, en raison de leur gestion plutôt irrégulière des fêtes du 375e, ou alors en vacances, une façon stratégique, ils ont décidé de prendre juillet et août off au plus fort de la saison estivale, ça se discute. Bon, ben, ces deux-là auraient peut-être eu l'occasion d'examiner d'un peu plus près le gouffre financier qui s'annonce pour 2013 du côté du projet de l'amphithéâtre. On apprenait récemment d'ailleurs que le devis initial, évalué à 41 millions de dollars pour l'amphithéâtre, serait plutôt maintenant du côté des 60 millions de dollars et on nous informe en même temps que les 10 000 places prévues seraient plutôt ramenées à 7 000 places prévues, ce qui donc aura un effet direct sur le rendement financier de l'endroit. Et là-dessus non plus, je ne parle pas non plus des multiples impacts que quelques milliers de voitures pourraient avoir sur le quartier à chaque soir de spectacle. On parle du quartier Sainte-Cécile. Et bon, là, il faut aussi présumer qu'il y aura plusieurs milliers de voitures lors de ce spectacle. C'est tout un autre aspect. Je parle pas non plus du choix de planter un immense amphithéâtre sur le plus beau secteur de la ville. C'est sans discuter là, vraiment un joyau. C'est au confluent du Saint-Maurice et du Saint-Laurent. Donc, c'est un terrain qui a appartenu pendant des décennies à la compagnie l'usine de papier Tripac. Ça a été donc récemment décontaminé. Donc, c'est rendu aux citoyens, c'est disponible pour les citoyens pour la première fois depuis pratiquement 100 ans. Et enfin, je ne parle pas non plus d'un certain contexte de manque de salles à Trois-Rivières depuis la fermeture du Maquisard. Donc, on pourrait questionner la pertinence de construire un amphithéâtre de 6000 places qui serait utilisable seulement 4 mois par année. Non, je veux plutôt parler qu'en fait, si les messieurs Dubé et Lamarre avaient le temps, ils pourraient re-questionner leur stratégie pour attirer la clientèle au centre-ville, donc leur stratégie d'animation estivale au centre-ville. Parce qu'à leur deuxième saison aux commandes du divertissement public trifluvien, moi, je suis pas tellement impressionné du résultat. Oh, on fait un petit bilan. Ça s'appelait Myriade cette année, donc sous ce thème, la programmation était clairement inscrite sous le signe du big. Hein, une myriade, c'est une très grande quantité, une multiplicité, une multitude. Et le site de tourisme Mauricie parlait de 95 animations sur 23 soirées, 350 artistes. Donc, clairement, sous le signe du big. Moi, j'ai rien contre, une programmation étoffée, même très, très étoffée, remplie, constante durant l'été. Aucun problème avec ça. Je comprends aussi très bien qu'on a un mandat général là, des fêtes estivales, donc familiales même, de tout cet exercice. Je comprends très bien. Là où j'ai eu la difficulté, c'est avec la diversité. Parce que diversité, il me semble, ça voudrait dire de varier l'offre un petit peu. Donc, on regarde un petit peu un coup d'œil à la programmation de l'été dernier. Il y avait du Elvis Forever, Country Rock Twister, Papy Rock, Les Poupées, Les esthéticiennes de l'âme, ça, ça fait peur. Hommage à Michael Bublé, etc., etc. Je déprime. La programmation ne manquait certainement pas de répertoire quétaine pour faire danser ma tante Nicole puis mon oncle Reynald. Mais poursuivons. Essayons de trouver un peu de musique émergente, pourquoi pas. Eh bien, du côté de la musique émergente, il y avait plusieurs noms. Baptiste Prudhomme, qui vient de la Coop Émergence. Dan Lemay, de la Coop Émergence. Fabiola Toupin, qui vient de la Coop Émergence. Trop loin l'Irlande, de la Coop Émergence. Bref, on comprend assez bien. La Coop Émergence a signé un bon deal pour ses artistes cet été. On peut aussi, pour être exhaustif, rajouter les noms de Cindy Bédard, Dan Morissette, Horloge Grand-Père, Annie Gélina, Danny Janvier, Jacques Brunet, Brady Cardi et Basile Sony, tous donc de la Coop Émergence. Sachez que j'ai absolument rien contre ça. Moi, je suis d'opinion que une bonne moitié des artistes de la coop valent le détour. Pour les autres, c'est une question de goût. Moi, c'est pas de ce côté-là que j'ai un problème. Ce qui m'indispose, c'est le recours systématique et massif à un nombre très, très restreint d'organismes qui, sans que je remette leur travail en question, eux ne représentent qu'une petite frange de la musique émergente. C'est comme si la Corpo, en signant une douzaine de contrats avec le même organisme, pouvait dire « Bon, ben musique émergente, check, on en a ». Moi, je trouve pas que c'est un exemple convaincant de diversité sur le plan musical. Donc, dans cette perspective-là, moi, j'étais plutôt content de voir figurer des ensembles comme Vocalis, les Bébites, les Langues Fourchues, Mrs. Satchmo, Corpus Resus également, qui sont connus du public, mais eux ne sont pas intriqués dans les mêmes petits réseaux étroits de promotion d'artistes. Même mécanisme va m'achaler en art visuel. Lorsqu'on va dire avec le signature de, avec un nombre très restreint d'organismes, bon, ben, art visuel, check, on en a. Donc, moi, c'est lorsque la corpo s'agglutine ou s'approprie le travail, par exemple, de la Biennale internationale des Sambres contemporaines, ça me convainc pas et surtout que la Biennale n'a aucunement besoin de la validation de la corpo pour rayonner. Donc, en gros, on a l'impression que la corpo crée pas d'événements, qu'elle fait seulement qu'en acheter. Mais c'est pas vraiment surprenant parce que dépenser, c'est en pleine incompétence de Dubé et Lamar. Je termine avec mes petits coups de cœur de l'été. Moi, j'appellerais ça le « Small is beautiful ». C'est toujours à privilégier. Est-ce qu'on peut dire donc que Myriad, par sa grandeur et sa grandiloquence, aura éclipsé tout l'art public disponible cet été à Trois-Rivières? Oh que non. Moi, le plus objectivement possible que je puisse être, parmi les plus intéressantes activités artistiques extérieures que j'ai vues cet été, une seule était chapeautée par la Corpo de l'Amphithéâtre. Il s'agit de la Terrasse à Bobby. C'est une initiative de l'artiste Henri Morissette de l'atelier Silex en partenariat avec la Biennale nationale de sculpture contemporaine cette fois. Donc ça, c'est une très chouette installation participative dans laquelle le public se fait remettre une sculpture qui est créée en direct à partir d'objets donnés par les spectateurs. Donc c'est très réjouissant de voir ça et ça a vraiment un aspect convivial et qui est directement aussi lié à la population. J'aimerais aussi qu'on souligne le brillantissime T-shirtville de l'atelier Presse-Papier, un événement lors duquel une quinzaine d'artistes de sérigraphie, presque tous de la relève, ont conçu pendant 10 jours des centaines de T-shirts vraiment originaux, très abordables. C'est vraiment la palme d'or de l'événement cool de l'année pour moi, T-shirtville, et ça a réellement permis encore une fois à l'art actuel de sortir des galeries pour s'exhiber fièrement sur des T-shirts. Et en passant, il en reste. Faites un petit tour à Presse-Papier sur la rue Saint-Antoine pour en avoir. Et enfin, j'accorderai une mention toute spéciale au collectif d'improvisation Partie Intime qui a offert une prestation historique à Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, à l'endroit même où s'érigera le futur amphithéâtre, à la gloire de nos Jean-Drapeau du 21e siècle. Donc, Partie Intime, c'était un spectacle clandestin et un brin moqueur. Et on a vraiment pu vérifier lors de cette soirée-là le paysage absolument spectaculaire qu'offre le site. Et ça nous fait aussi grandement réfléchir sur l'impact d'une construction d'un méga amphithéâtre précisément à cet endroit. Donc, je termine en souhaitant à la Corporation de l'Amphithéâtre de passer une très inspirante rentrée culturelle cet automne et surtout de trouver un peu de temps finalement pour réfléchir à des moyens plus efficaces de remplir à un moment donné convenablement leur mandat de diversification culturelle. C'était Sébastien Dulut pour Va voir ailleurs, j'y suis. Yeah! Matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Oui, maintenant on réaccueille Xavier comme la semaine passée. Bonjour, mais bonjour. Encore meilleur parce que lui, il construit vers une extase totale. Vers l'avenir. Hein? Vers l'avenir. Il construit merci, l'avenir. Merci. C'est un homme du futur. Oui. Ah, oui. Mais là, et du présent aussi, je précise. C'est ça. Ah, voici. C'est bien mentionné. Tais-toi et cuisine. Hey! J'ai pas fait la voix par-dessus parce que tu m'as dit la semaine passée que tu l'aimais pas quand je faisais mon petit cri dessus. Là, c'est ta voix qui aime pas. C'est non, moi, j'ai jamais dit que je l'aimais pas. OK, bon, d'accord. Donc, Xavier, bon retour, bonjour. Allô, vous deux, ça va bien? Ça va, toi? Ouais. Yes, ouais. Sir. Il nous a apporté des petites surprises, on est très, très... Hey, je t'apprécie davantage ce matin, vois-tu? Avec... Au début, j'étais pas sûr, c'est ça que tu veux dire? Ouais, au début, j'étais vraiment pas sûr. Mais là, quand tu t'amènes avec un thé comme ça, là... Ben, je suis obligé de gâter mes deux animateurs préférés. Ah. Il faut que vous compreniez un petit peu plus mon univers. Colin, merci beaucoup. Non, j'aime pas le bruit. J'aime le jeu de mots. Il a dit gâter. T'sais. Gâter. À chaque fois que tu vas dire la syllabe T, je vais devoir le souligner. Oh. C'est comme quand je parle de nouveauté. Oh, nouveauté, nouveauté. OK, on s'embarque sur quelque chose de vraiment n'importe quoi. Donc, Xavier, aujourd'hui, comment est-ce qu'on aborde ta chronique? Qu'est-ce qui se passe dans ta chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, je vous ai ramené à chacun un thé en dégustation. Oui. Il y en a un qui est aromatisé, donc F.O., tu me diras qu'est-ce que tu en penses. T'as mis la main dessus pas mal vite, hein, sur le aromatisé. Oh, attends, ça, c'est parce qu'en micro, il dit « Oh, moi, ça me dérange pas. » Ben, un peu jaloux, peut-être. Hey, mais c'est un bon thé, hein, gros format aussi. Ben, c'est ça. Puis, dans le fond, les doses que... Ben, là où j'achète mes thés, c'est vraiment les doses qui sont prescrites pour vraiment ces doses-là. Donc, pour nous, une tasse à thé, c'est vraiment ce format-là. OK. Donc, toi, F.O., t'as quelque chose de parfumé plus avec un petit peu de chocolat à l'intérieur, légèrement mentholé. OK, on voit que t'es vraiment heureux d'avoir pris ça. Puis Mathieu, toi, t'as un plus un traditionnel. Dans le fond, il semblerait que l'été, de manière générale, soit originaire de cette région-là. Donc, c'est un thé noir quand même assez corsé. Et c'est aussi le thé que j'ai utilisé pour la dégustation culinaire que je vous ai ramenée aujourd'hui. C'est joli ce que tu as fait dans des petites bulles de plastique vert. C'est du verre. Du verre, c'est du vrai verre. C'est du vrai verre. Fais attention, c'est ce que tu veux dire. Ben, dans le fond, on a déjà testé, puis c'est tombé par terre, ça s'est pas cassé avec trois rebonds. Donc, c'est quand même assez magique comme ça. Wow. Ouais. Ça s'est pas cassé. Sur du tapis, peut-être. Non, c'était vraiment ça de la céramique, wow. C'est ça le pire. Mais c'est ça, donc vous avez un petit mélange. Dans le fond, en dessous, vous avez vraiment une couche de fruits, donc fraises, framboises, cassis. Au-dessus, vous avez du biscuit et de la crème fouettée. Fouettée maison, j'aime pas les crèmes fouettées industrielles, ça n'est pas ça. Tu prends pas de la Dream quelque chose? Oui, non, vraiment pas. C'est pas bon. Vraiment pas. Et puis là, je peux vraiment doser la quantité de sucre que je mets à l'intérieur. Donc, le petit plus que j'ai rajouté dans ces desserts-là, c'est qu'il y a du thé noir. Dans le fond, dans les fruits, parce que j'ai laissé les fruits infusés dans du thé noir toute une nuit, justement pour que les fruits aient un peu plus de caractère et un léger côté un peu plus fort, plus sombre aussi, qui va donner, dans le fond, un punch supplémentaire. Ok, et t'as saupoudré du thé en poudre vert. Dessus, ouais. Exactement, du thé vert. Dans le fond, le thé vert, au Japon, ça s'appelle du matcha. Et c'est, oui, c'est du matcha. Donc, c'est quelque chose qui va être pas mal populaire, qui va permettre justement aux consommateurs d'intégrer toute une feuille de thé, puisque dans le fond, c'est vraiment du thé broyé et qu'on fouette dans l'eau avant de le boire. Eh, hey, mais écoute, petite question comme ça, là. Questionne-moi. Ouais. C'est quoi, t'as-tu pris un cours de thé pour savoir tout ça ou c'est venu avec le thé? Le thé. Le jeu de mots est pas mal poche, là, s'il te plaît. Il était très mauvais, celle-là. Je crois qu'il n'était pas de qualité. Oh, si, il était meilleur. Je te dirais que j'avais déjà une passion de base parce que je buvais pas mal de thé avec ma mère quand j'étais chez moi. Puis avec le temps, j'ai agrandi un petit peu mes connaissances. J'en ai appris un peu plus. T'as fouillé quoi sur Internet? Entre autres. Et puis j'ai eu des petites formations aussi à droite, à gauche. Et puis j'ai aussi quelques amis qui boivent beaucoup de thé aussi avec moi. Donc on s'échange beaucoup d'informations. On fait des grandes dégustations chez nous aussi. Donc voilà. Cool. Très cool. Pour la dégustation, nous, le thé est en train de finir d'infuser. On devait le mettre 5 minutes dans notre verre. C'est ça. Je suis arrivé à quoi? 24, 25. Donc vous pouvez comme pas mal tarder à enlever votre infuseur. C'est ça, hein? D'accord. Parfait. Mais là, est-ce qu'on goûte aussi? Ben, vous avez le droit. C'est là que ça se passe, là? Ouais. Oh, c'est mou. Je pensais que c'était dur. C'est mou. Moi, j'enlève ma poche pendant ce temps-là dans mon verre. Secoue ta poche, là. C'est merci. Ah, après, pogne-moi la poche de la semaine dernière. Il y a secoue ta poche. Ça va très bien. Ouais, ça va être comme ça toutes les semaines. Ah, ça me dérange pas. C'est facile. C'est ça l'affaire avec des poches et du thé. Les genoux sont trop là. Bon, François est en train d'enlever la sienne aussi. Lui, avec sa menthe et son chocolat. Je suis pas du tout jaloux. Pierre, je te ramènerai aussi la prochaine fois. Bon, d'accord, merci. T'as bien fini. Ah, je secoue la poche. Oui, il reste plus aucune goutte là. Hein, oui, il en reste tout le temps. Il en reste tout le temps. Alors avec François qui a déjà trempé sa cuillère dans le bol. Bon, je m'annonce. Ok. Dégustation. Dégustation live là. D'accord. Moi je commence par la crème, c'est sûr. T'as pas le choix parce que c'est dessus. Faut que tu prennes les trois là. Faut que tu prennes les trois en même temps? Ben oui. Ok, wow. C'est ça une dégustation. Et juste pour information, j'ai aussi rajouté un petit peu de sucre à glacer directement sur dans le fond sur la crème fouettée. Parce que le matcha est quand même quelque chose d'assez astringent, amer au goût. Donc, si moindrement, j'avais pas balancé ça, ça aurait peut-être goûté trop amer au premier abord. Mm-hmm. Chose que je voulais absolument pas, je voulais pas vous traumatiser. Ok. Je vais essayer d'en prendre une meilleure bouchée. Ouais, c'est ça. Ben, à date, hein. Hey, ça se prend très mal, par contre. C'est super beau et très c'est bien super fait. Beau. Ça me tombe dans la main, j'essaie de pas faire de dégâts. Ouais, c'est parce que. Ben, c'est ça, c'est un verre en double paroi aussi. Donc. Là, j'en mets partout. C'est très incurvé de partout. Ce qui est bien, c'est que. C'est très très bon évidemment, mais après ça c'est que t'en as sur les mains pour pouvoir continuer le goûter. Alors s'il te plaît, touche pas au micro. Non, c'est ça, j'essaie. Ah c'est bon, ah vraiment. J'aime ça. Oui. J'aime ça, mais écoute, je goûte pas le thé. C'est quand même pas mal subtil. Quand même, hein. Je le goûte pas, moi. Dans le fond, si tu peux... Mais je suis pas habitué. Essaye de récupérer un petit peu de matcha sur le dessus de la crème fouettée. Tu verras, tu vas peut-être... Comme ça? Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être goûter quelque chose de légèrement amer. Ah, oh, l'extrémité, c'est tellement bon. Tu le goûtes pas? Je le goûte pas. Ah, ça veut dire. Mais je suis pas habitué. Mais c'est ça. La prochaine fois, je ramènerai du matcha, je vous en préparerai en live aussi. J'avoue que je suis sûr que ça rajoute quelque chose, mais j'avoue que je peux pas pointer où est le goût du thé dedans. Mais je suis sûr que ça vient ajouter à l'ambiance totale. Parce que d'habitude, c'est des choses que je fais vraiment juste avec comme des fruits que je coupe en petits morceaux, je mets au fond d'un verre, je rajoute les biscuits, la crème fouettée, je mets même plusieurs étages de chaque. Mais là, je voulais vraiment faire quelque chose en trois étapes avec quelque chose de plus fort en dessous. Mais c'est vraiment très bon. Délicieux pour vrai, c'est très très très très très bon. Donc, ça vous donnerait aussi des petites idées aussi si vous voulez préparer des petits desserts très rapides. Mm-hmm. Et puis, vous n'êtes pas obligé de les laisser infuser dans le thé. Si vous voulez avoir quelque chose de tout simple, vous pouvez le faire aussi comme ça. OK, c'est vraiment excellent. On va passer au thé un peu. On va s'essayer, en tout cas. On va goûter. Essayez juste de pas vous brûler. Ouais, c'est ça. Je le goûte un peu plus, nous. J'ai bu une gorgée. Moi, une gorgée. Pire goûte. Je sais pas si t'en reste. Est-ce qu'il t'en reste? Oui, il m'en reste encore un petit peu. OK, oui, le thé a une saveur particulièrement, je dirais... C'est sûr que c'est pas aussi chocolat. Il n'y a pas d'arôme dedans. Mm-hmm. Donc vraiment, le goût. Ben pour le tien, en tout cas. C'est ça, pour le mien. J'ai loué un petit peu. Moi, il est super bon. Ben, il y a plein d'arômes. Non, mais pour vrai, c'est apaisant. J'aime ça. Mais c'est ça, il est relaxant. C'est ça que j'aime. C'est ça. Dans le fond, le thé noir, il y a une molécule dans le thé noir qui fait en sorte que ça fait baisser le taux de cortisol. Donc, la cortisol, c'est comme une hormone responsable du stress. Mm-hmm. Donc, normalement, après une tasse de thé noir, on devrait se sentir un peu plus décontracté. OK. Mais moi, juste en le buvant, là, quand il descend, là, c'est relaxant, c'est réconfortant, je te dirais. La température de l'eau, en fait, je sais pas à quoi t'es supposé tenir ça, là, mais en tout cas, pour boire comme ça, c'est parfait. Parfait. Pas trop chaud, pas trop froid. Dans le fond, j'ai pris l'eau chaude directement d'une machine comme normale dans laquelle on fait infuser du café. Donc, c'est vraiment de l'eau qui tourne généralement autour de 95 degrés. Donc, le temps que je la ramène ici et le temps que ça infuse, ça a probablement baissé un petit peu. Oui, c'est les biscuits qui tombent facilement de mon bain. Oh. Mais non, c'est vraiment très, très bon. J'ai hâte de continuer ça. Ouais. Mais en ronde, parce qu'en ronde, ça va plutôt mal jusqu'à maintenant. OK. Mais la prochaine fois, je vous ramènerai peut-être quelque chose d'un petit peu plus différent. Je ne sais pas encore quoi ramener, mais je réfléchirai au cours de la semaine, sauf si vous avez des petites idées, des choses que vous voudriez que je teste. Non, mais écoute, moi, en tout cas, je parle pour moi personnellement, surprends-moi. Ah, les surprises, c'est toujours très gagnant avec toi à date. Juste, tu sais, les choix que tu as faits sont très bons. Bon. Ça va bien, c'est bon, je suis pas malade. Okay. Tu pourrais me ramener ça chaque semaine, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais je pourrais changer de nom. Puis, ouais. Ah ouais, mais c'est ça qui est meilleur que la semaine passée. Non. Ah là, je goûte vraiment le thé. La prochaine fois, je vais mettre des feuilles de thé au fond directement. Comme ça, vous allez vraiment goûter le thé. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Ben, je sais pas, j'avais entendu un petit peu avant ça que FO voulait un petit peu avoir des renseignements sur comment infuser le thé en tant que thé. Ah, bonne idée. Oui. Dans le fond, de manière générale, le thé, tu dois le faire comme infusé, je dis bien en général, puisque le matcha... Mais là, attends, on part de la base, OK? Oui. Tu fais bouillir ton eau. Oui. OK? Quand un bout, est-ce que tu peux l'infuser directement quand un bout? Certains, oui. Je dirais que, généralement, les thés noirs, on peut les faire infuser dès qu'ils bout. Okay. Pour certains autres thés un peu plus délicats, on va laisser l'eau reposer pour que la température baisse un petit peu. Généralement, ça va être le cas pour les thés blancs, thés verts. Les houlongs résistent un petit peu plus, donc généralement, tu peux laisser comme autour de 90 degrés pour la grande majorité. Mais pour les thés verts, c'est très, très habituel que ce soit comme à 72 degrés que ça vraiment, se passe infuser. Vraiment. C'est pas de l'eau bouillante, c'est de l'eau chaude. OK. Et puis, quand tu infuses, quand ça boue, Est-ce que ça rajoute un goût un peu plus amer? Est-ce que ça change quelque chose au goût ou c'est vraiment... Ben, si moindrement l'eau est bouillante, par exemple pour un thé vert que tu mets dans de l'eau bouillante, ça brûle les feuilles, ça donne un goût amer vraiment qui est limite dégueulasse. Okay, et les gens qui disent « Oh, mais moi je prends pas le thé vert parce que le thé vert c'est amer », moi je dis que mon thé vert ne goûte jamais amer parce que je vérifie toujours les températures de l'eau. OK, c'est ça, parce que c'est un art en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'au Japon, il y a des cérémonies de thé. Oh, j'ai hâte de voir ça. Bon. J'ai fini mon dessert, moi. Mmh. Hein? Ça dit bien? Je le goûte, moi, le thé, pour vrai. Ouais. Ça rajoute un petit quelque chose. Moi, c'était subtil. J'ai pris une gorgée. Après ça, je le goûtais. Mmh. Mais avant, on dirait que j'étais pas capable de mettre le doigt là-dessus. Ouais. C'est subtil, c'est bien. Oh oui, c'est très subtil. Puis pour continuer avec les explications que je t'ai données... Excuse-moi. Oui. Oh, il n'y a pas de problème. Tu veux m'interrompre quand tu veux, Mathieu. D'accord. C'est noté. Noté. C'est ça. Il va falloir vraiment choisir un infuseur comme assez large, puisque le thé va généralement prendre de l'expansion aussi pendant l'infusion. Donc, quand tu parles d'infuseur, tu parles de quoi? Tu parles... Dans le fond, il y a vraiment tout type d'infuseur. Ceux qu'on connaît le plus, ça va être les petites boules au bout des chaînes, en fin de compte. On les petites boules. Mm-hmm. Hein? Comment? Comment? Je dis qu'on aime les petites boules, mais c'est une blague. Oh. Surtout quand ça vient de parler. C'est très Mathieu Plante. Oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça va être vraiment des boules qu'on va ouvrir et mettre les quantités de thé à l'intérieur. Et ce qui est important... Ça, c'est répandu. Ça, on en voit... C'est ça. C'est ce qu'on voit comme pas mal généralement. On va dire, oui, j'aurais besoin d'une boule à infuser. Hop, une boule à infuser. Ouais. C'est vraiment un grand classique. Mais généralement, c'est comme pas en acier inoxydable. Donc, ça va vraiment faire perdre de la qualité au thé. Et à la longue, donner un goût métallique, chose qu'on cherche pas spécialement. Ah. Ou alors, il faudrait être bizarre pour vouloir un goût métallique. Il y a des gens comme ça. Faut pas les juger. Donc, non, ça prend vraiment, en fait, une boule en acier inoxydable, idéalement. OK, parfait. Mais même là, les boules, je le conseille pas pour ce qui est autre que des tisanes ou des thés noirs. Parce que ce sont des thés qui vont comme pas mal rester de la, du même volume. Mais si on va dans des thés blancs, thés verts ou longs par exemple, ça risque de rester comme pris à l'intérieur, faire une boule compacte. Ouais. Ou le contraire est vrai aussi. Moi, des fois, je mets mon thé dans la petite boule et puis ça finit par sortir. Il y a beaucoup de boue qui sortent de ça. Exactement. Dans la tasse, c'est pas aussi bon au goût. Exactement. C'est parce que les mailles sont comme beaucoup trop larges. C'est ça. Et il faut vraiment que les feuilles restent à l'intérieur. L'effet screen, il marche pas. L'effet screen. Les screens, tu connais ça, les screens. J'adore ça. Ouais, c'est super. Puis c'est ça, donc vraiment toujours surveiller les températures d'eau, les temps d'infusion et surtout la largeur de l'infuseur. Si moindrement en ouvrant l'infuseur, on voit que ça fait une boule quasiment compacte, c'est que l'infuseur n'était pas adapté, qu'il faut opter pour quelque chose d'un petit peu plus spacieux. Superbe. Génial. Bien expliqué. La semaine prochaine, je vous ramènerai aussi plusieurs infuseurs, je vous expliquerai ça. Puis ça me fera plaisir aussi de vous faire tester chaque infuseur avec des types de thés différents. Ah, parfait. Ça va être beau ça. Oh oui. On a déjà hâte comme toujours. Ben oui, certainement. Merci Xavier. Ça fait plaisir. Très gentil. François. Pour les auditeurs en fait là, qui voudraient peut-être avoir plus de renseignements, ce truc-là peuvent aller te visiter. Tu travailles dans une boutique de thé. On oui. pourrait la nommer. Ben je travaille au centre d'achat Les Rivières chez L'été et David's Tea. Okay. Donc je travaille pas mal 5 jours sur 7. Donc il y a moyen aussi de me demander qu'est-ce que j'ai dit dans l'émission précédente aussi. Donc pas hésiter aussi la prochaine fois si moment vous passez que vous reconnaissez quelqu'un avec des cheveux un peu bizarres de la boutique. Ben c'est moi. Bonjour. Ah non, très sympathique. Oui. Non, t'étais pas gêné là, tu sais. Je donne l'impression d'être sympathique, mais je le suis absolument pas. Ah non, c'est ça. Faut mieux le connaître pour le détester, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Bon. Plus on me connaît, moins on m'aime. Waouh. C'est plate un peu? Ben, c'est un peu plate. On va se limiter à l'émission. Ouais, ok. Bon. Ok, fait que on te reverra seulement en studio la prochaine fois. Si on te croise à l'extérieur, on met la main devant les d'accord. yeux. Oups, je connais pas. C'est ça, d'accord. Ben, merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir, merci. Mathieu. À lundi prochain, 8h30, pour une autre chronique Tais-toi et cuisine. Hein? Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. C'était bon comme un petit dessert. Tu bon, toi, ton thé? Mon thé est super bon pour vrai. Oh, il est vraiment excellent. Je vais continuer de le boire pendant ce temps-là. Et si vous voulez une petite technique aussi pour vraiment apprécier tous les arômes encore du là? Thé. T'es une technique, oui, t'es une encore technique. Là. En fait, oui. Oui, je suis encore là, j'ai pas encore passé la porte. Bah, dans le fond, quand vous buvez du thé, faites entrer en même temps des bulles d'air aussi. C'est un petit peu comme du vin pour vraiment comme décupler un petit peu les arômes. Wow. Ça va permettre à tous les arômes un petit peu de se décupler sur la langue aussi. Ok, quand tu le verses? Non, c'est quand tu bois? Quand tu le bois. Dans le fond, tu fais entrer l'air en même temps que tu le bois. Ah oh, ouais? Non, pendant non. que tu bois. Pendant que tu bois, ok. Genre, ça fait vraiment un goût... un son pas agréable. Je te garantis que je vais m'étouffer si je fais ça. Oh non, là, c'est sûr que je vais m'étouffer. FOA compris. Ah, faut faire un petit peu comme avec une paille, mettons. Exactement. Tu laisses entrer les petites bulles. Et normalement, tu devrais mieux sentir les arômes. Ouais. Ouais. Et c'est encore plus flagrant qu'on prend des thés verts et des thés blancs. Wow. On apprend des choses, hein? J'ai hâte de goûter un thé blanc. Ouais? Ouais. OK. Pas toi? Oui, ben oui. Ok, j'ai donc. J'ai goûté un thé blanc, sûrement, j'imagine. Au nombre de thés que j'ai acheté dans une boutique de thé qu'on ne nommera pas, même si elle a été mentionnée comme il y a 30 secondes. Mais j'en ai essayé tellement et je regarde jamais c'est quoi la sorte de thé. Mais maintenant que tu en parles, Xavier, il va falloir que je regarde mes étiquettes pour comprendre c'est quoi. Là, si vous voulez, je vous ramènerai trois la semaine prochaine. Deux traditionnels, un aromatisé, puis vous pourrez faire la différence entre les trois. D'accord. Formidable. Merci encore, Xavier. Ça fait plaisir. Merci. Le votant, là. Non, c'est pas. Le votant. Et qui n'a pas faim. Ben, je sais bien. François, toujours assemblage requis. Il nous reste environ une quinzaine de minutes ensemble. Que dirais-tu d'aller entendre une pièce de Monogrenade? J'adore ça. Pour accompagner notre matin. Mais matin. J'essaie de mettre des thés partout, puis ça ne marche pas vraiment. voici Immobile sur le palmarès francophone sur C'est fou 89.1 FM. Bien les choses, je veux. Immobile de nos amis de chez Monogrenade. L'album s'appelle Tantal. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Il nous reste moins de... 12 minutes. 12 minutes. Moins de 12 minutes ensemble. François, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas encore fait les trucs qui s'en viennent sur le campus. Est-ce qu'on fait ça tantôt? Ben oui, certainement. Tantôt. Mais pour l'instant, on va entendre une pièce de Charlie Foxtrot. Voici Éternel Pessimiste à Assemblage Requis. Et puis plus tard dans l'émission, il va y avoir plus de nous autres, plus de musique, plus... moins de blagues sur le thé et de jeux de mots déplacés sur des parties de l'anatomie. OK? OK, si tu dis. Je suis un éternel pessimiste. Et oui, c'est moi, je suis le rabat-joie. C'est moi le frein et la marche arrière. N'en ai pas pourquoi. Pourquoi t'essayes pas, pourquoi t'essayes pas, t'as pas commencé, t'abandonnes déjà. Allez on verra bien c'est quoi le résultat. Ah oublie ça, ça marchera pas. Comme un chanson sur un seul accord, une seule réponse à tout mon effort. Je reste fidèle, je trouve une défaite, ça va un miracle pour que je collabore. Le manque de confiance en toi qui te fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Faut prendre une chance, allez, pourquoi pas. Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, mais je pense pas. Quelle excellenté. Quelle bonté. Quelle bonté. C'est la bonté du mot. Oh! Malajub avec Sansu sur l'album La Caverne à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était tellement rempli qu'on savait pas trop où donner de la tête. Hein? Non, effectivement. C'était une émission fort bien chargée. On aime ça comme ça, par exemple. Exactement. On remercie donc Kiwan en direct de l'Alberta. On remercie Sébastien Dulude, Stéphanie Boilard. Xavier. Xavier Antoir. Qui d'autre? Pas mal ça. Ben, toi et moi. Toi et moi, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Mathieu Plante. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Puis plus tard en soirée, c'est plus rock avec Le Voyage insolite à 19h. Et l'émission de Simon Fitzbé, Catalepsie, à 20h. Demain, à l'émission, on a Stéphanie Gagné avec ton plat favori, bien sûr. Oui, effectivement. C'est tout à fait vrai. Demain, on parle aussi des activités sur le campus. Oui. Bon point. Ça va être demain à 7h du matin, ça. Ça comme tous les jours. C'est de bonheur. C'est plein de bonheur. C'est lundi au jeudi. C'est jamais trop de bonheur. Il y a trop de bonheur. C'est le fun de bonheur. Comment on appelle ça? On a du fun de bonheur. C'est bien meilleur le matin. Je sais pas quoi. C'est l'affaire de phrase de même. Hein? Ouais. C'est drôle quand tu regardes les titres des émissions du matin dans pas mal toutes les radios. Tu peux prendre ça comme un euphémisme pour du sexe. Oh, ouais, ouais. C'est bien meilleur le matin. Oui. C'est le fun de bonheur. Il y a trop de bonheur. Plein d'affaires de même. Ouais. D'être pour ça, j'imagine. On sait pas. On peut pas. On peut pas savoir. Hein? On peut pas savoir. On est pas sous la couette. Oh! On pourrait aller mieux sous la couette, par contre. Ah, non, non, non. Non. On écoute Ariel Broad avec Northern Air à demain. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. C'est Kermit, ça? Kermit. Bye, bye, bye. Bye, bye. Back up to the lakes. Little time to think. Let some trouble sink. Watch the sunrise. Light a little fire. Watch the smoky lines. Cut between the pines. Cut between the pines. The darkness in our minds. Shed a little light. So far away tonight. So far away tonight. Travel on to that little pond, back to that little pond.